Être un couple, c'est croire au paradis. Jusqu'à ce que le doute fasse tomber la pluie sur la route. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tes bras ne s'ouvrent pas? J'aimais être en toi, allongé sur le lit. Tout est fini. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tes bras ne s'ouvrent pas? Pourquoi tes bras ne m'enlacent pas? C'était pas du cinéma, allongé sur le lit. Il ne reste que moi. Moi plus moi, ça va de soi. Ta beauté te perdra, allongée sur un lit.